Ouais. N-E-N-E-U-S. Yeah. 835. La scène ouais. Check. Yeah. Mani, j'manie les mots qu'on manie. Tacle les go qu'on manie. Mani, rappeur rallye, j'rallie. Mes mots de Tunis à la scène en passant par Paris. J'parie. Sur mon rap, j'gratte toi, tu racles. Vas-y, râle. AP, j'plane au-dessus de la plaine de Paname. J'banane les MC qui disent que le rap rapide est difficile. Un clignement de cils et je pisse. Kick, glisse, mi, c'est un missile. Si mienne, non, ça j'te fous. Ça poussard des coups par des clics. Brac, clic, bam, clic, d'or, c'est mon crew. Ça, j'ai la détente facile, donc bouge de là où j'fais les hella. J'ragale mon casse-dalle. Casse-toi, boîte vite si tu veux pas que j'abatte ta basse les tasses et les watts. Laisse place, j'fais partie du carré d'as. Mate la masse, moi j'la fume la masse. Toi t'es à la marche, tu me dis j'aime pas trop l'école. Mais j'ai toujours eu la classe, classe et parmi les collés. J'déconne pas quand j'te dis que j'suis chaud comme un réacteur, donc j'vais décoller. Venu planer dans les RAP, gars. J'suis venu arrêter les faux MC. Pourtant j'suis pas de la police, mais faut réussir dans les bises. J'fais pas la bise au sale bi, grossisseur de beat. Écoute le beat, touche des beats à force, même mon beat. C'est un chicle sur mon lien. Même quand t'es pas en chien, j'arrive dans ce game et je ne freine pas. On joue et je mène, gars. Ce refrain c'est pour tous ceux qui l'air, gars. J'arrive dans ce game et je ne freine pas. On joue et je mène, gars. Ce refrain c'est pour tous ceux qui l'air, gars. Regarde tout cela, j'tousse là, pousse là. Fonce, fonce sur toi comme du chocolat. J'canarde le game, m'amène, m'amène up dans un endroit que j'connais pas. Paré pour le tarot, la vie c'est paro. C'est pas un jeu, non, c'est pas du tarot. À Dakar, les Condés, on arrose. Mais bon, la vie là-bas n'est pas rose. Moi, je veux la vie et la villa d'Aloca Locos. Je viens d'un bloc austère, toujours beau gosse dans mes all-stars. Je suis un lève-tard et un couche-tôt pour un pétard. On te lève, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme masque? Qu'est-ce que tu veux que j'efface? Un, que je te refasse ta face. Deux, manipuler les RAP, voilà ce que j'ai fait. Trois, annoncer ma venue, je veux qu'elle soit bien vue, bienvenue. Voilà ce que je veux qu'on me dise. Je rêve pas du disque d'or, je veux juste qu'on reconnaisse le talent de la clique d'or. Vas-y, clique d'or sur du bon son, mais bon sans le rap, je le prends dans le bon sens. Flow effasiné, toi t'es fatigué, alors laisse la place aux nouvelles arrivées. Nenoussa qui gore normal, je fais partie de la clique d'or, tout comme Kik, tout est dans la technique. Après moi, qui peut rapper comme le taux, je demande à qui le tour, et bien sûr que je kill tout. J'oublie pas la famille, LAS Mickey. Et comme le doc, j'suis venu opérer le RAP. Opérer le RAP.